Véritablement, sa miséricorde et sa tolérance existent. Mais quand il déchaîne sa colère, sa sainteté, sa justice, montre aussi à l'homme que Dieu ne tolère pas l'offense. Quand l'homme peut pleinement suivre et obéir aux commandements de Dieu et agir conformément à ses exigences, Dieu est généreux et riche et dans sa miséricorde envers l'homme. Quand l'homme s'est rempli de corruption, de haine et d'inimité envers lui, Dieu montre de la fureur. Et quel est le degré de sa fureur? Sa colère durera jusqu'à ce que les mauvaises œuvres de l'homme, sa résistance, ne soient plus devant ses yeux. C'est seulement alors que la colère de Dieu s'en ira. Peu importe les personnes, si leur cœur s'est éloigné de Dieu et s'est détourné de Dieu pour ne jamais y retourner, quel que soit leur désir de corps et d'âme, d'adorer, de suivre et d'obéir à Dieu en parole et en âme. Se détourne de Dieu, la colère de Dieu s'abat sans répit. Quand Dieu déchaîne ardemment sa colère, ayant donné de nombreuses chances à l'homme, il n'y a plus de moyen de la retenir. Il ne sera jamais plus tolérant et miséricordieux envers un tel homme. C'est un aspect du tempérament de Dieu qui ne tolère qu'une offense. Il est tolérant et miséricordieux envers les choses bonnes et belles, contre les choses mauvaises, pécheresses et méchantes. Sa colère se déchaîne, bien que sa colère ce sont les deux principaux aspects du tempérament de Dieu. Ils sont révélés par Dieu du début à la fin. Sa miséricorde abondante et sa colère. Tempérament de Dieu, abondamment miséricordieux et doté d'une colère profonde, abondamment miséricordieux. C'est le juste tempérament de Dieu.